Glasgow, vendredi 4 décembre 2004. J'ai rêvé qu'on était quelque part dans un boulevard. Il était question d'un examen très difficile à l'école, en mathématiques et en anglais. J'avais les nerfs en boule, mais d'un autre côté, je n'en avais rien à foutre. C'était le matin, il y avait un homme à côté en train de faire l'examen en même temps que moi. Mais lui, par contre, était correct dans ses réponses. Moi, j'étais assise en face de lui et j'avais la tête posée sur un oreiller. Lui me disait de quoi s'agissait l'examen et me donnait parfois même quelques réponses en anglais. C'était sur les verbes qu'on avait vus dernièrement et je faisais beaucoup d'erreurs à ce sujet. Je voyais très difficile de passer l'examen, c'était une torture pour moi. Il voulait me faire répéter et m'apprendre ce que c'était qu'une chaise. J'étais en train de faire de l'acrobatie entre les chaises et eux n'aimaient pas ça, ça les a énervés. Mais c'était moi. Il fallait me prendre comme je suis comme ça. Je suis très instinctive et pourtant différente du reste. La structure de l'école britannique est très carrée aussi. C'est quand même une école d'art. Au fond, je n'avais rien à faire avec l'école. S'ils ne me prennent pas comme je suis, s'ils n'aiment pas comme je suis, c'est que l'école n'est pas pour moi. Mais d'un autre côté, c'était dommage, car je savais que j'avais l'expérience et la qualité suffisante. Demain, j'aurai les résultats. Je crois que j'avais un 6, ce qui n'était pas mal selon l'échelle du Chili. Mais pour eux, c'était à peine suffisant. J'attendais quand même plus que juste suffisant, considérant l'intérêt et l'énergie que j'investissais. C'est comme ça. Peut-être que je n'ai rien à faire avec ce programme et que je pourrais bien partir. C'est un sentiment assez triste, mais c'est comme ça. Il y a toujours cette possibilité. En remontant la rue, je me disais que je pouvais partir.